Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en podcast. Donc nous allons nous intéresser au contenu des conciles mérovingiens après avoir vu la forme de ces conciles. Et dans le précédent podcast, nous nous étions interrogés sur la raison pour laquelle nous allions nous pencher sur les conciles mérovingiens, sachant que les conciles mérovingiens rejoignent plutôt finalement l'histoire de l'Église, plus l'histoire de l'Église d'ailleurs, que l'histoire de la dynastie mérovingienne. Mais ces conciles reflètent aussi l'état du pays à l'époque mérovingienne. Donc c'est pour ça que nous nous intéressons aux conciles mérovingiens. Alors, un des premiers thèmes, le thème en fait principal abordé par ces conciles mérovingiens, c'est évidemment le renforcement du pouvoir de l'Église au profit de l'évêque. En effet, si la liberté d'élection épiscopale est bridée depuis le fameux concile d'Orléans I en 511, qui organise une collaboration du roi avec les évêques dans la nomination des nouveaux évêques, eh bien, cela n'empêche pas les pères conciliaires de fortifier le pouvoir de l'Église au profit donc de l'évêque, et en déclarant notamment l'inaliénabilité des biens d'Église, l'autorité de l'évêque exclusivement sur non seulement sur les cathédrales, sur sa cathédrale, mais aussi sur les basiliques qui se trouvent sur son diocèse. Or, on sait que les basiliques accueillent des reliques, et qui dit une église qui accueille des reliques dit une église qui accueille aussi des pèlerins et de nombreux dons, ce qui fait que les basiliques sont véritablement des sources de revenus considérables. Eh bien, ces revenus reviennent à l'évêque. Les évêques reconnaissent pour, les canons reconnaissent pour ces mêmes évêques le droit de disposer de la moitié des offrandes faites par les fidèles lors des messes à la cathédrale, ou du tiers des offrandes lorsqu'elles sont posées sur les autels des églises paroissiales. Les deux autres tiers sont réservés au clergé local, permettant ainsi à l'église paroissiale de se constituer un patrimoine, bien que plus modeste évidemment que le patrimoine du diocèse. Le même évêque est propriétaire de toutes les terres de l'Église, de son diocèse. Et même s'il ne peut les transmettre à ses descendants, ces terres vont permettre à l'Église de se constituer un capital foncier, assurant son autonomie face aux puissants et aux rois. Les bénéfices tirés de la pratique des reliques doivent rester aux mains de l'Église diocésaine et donc de l'évêque. Et donc aucun oratoire privé n'a le droit d'accueillir des reliques. Donc les oratoires privés qui sont construits en général dans le domaine d'un propriétaire privé. Enfin, aucun clerc ou moine ne peut demander la protection d'un laïc, il ne relève que de l'évêque. Plusieurs canons rappellent le devoir d'obéissance du clergé vis-à-vis de l'évêque et condamnent sévèrement les prêtres qui auraient participé à une conjuration pour renverser leur évêque. Les abbés eux-mêmes sont soumis au pouvoir hiérarchique de l'évêque, alors que cette situation est encore un peu ambiguë, un peu avant. Enfin, le principe d'un évêque par cité et d'un abbé par monastère vise à contrecarrer l'immixtion des puissants qui tentent de placer leurs alliés à ce poste qu'ils jugent stratégique. Nous avons vu, par exemple, comment, quand Frédégonde et Chilpéric ont repris le pouvoir, comment celle-ci avait viré Prétexta, qu'elle n'aimait pas, et qu'elle l'avait remplacé par un évêque qui était son allié. Enfin, c'est l'évêque qui prélève la dîme. Celle-ci est d'abord fortement conseillée, et elle devient, au cours des conciles, obligatoire. Cette montée en puissance de l'Église à travers ses membres, à commencer par l'évêque, lui permet de recouvrer sa liberté d'élection épiscopale, donc cette liberté qu'elle avait, qui était bridée depuis 511, eh bien, les évêques retrouvent la possibilité de nommer les évêques sans demander d'autorisation royale, sinon éventuellement un faible contrôle a posteriori du roi, ou un refus de promulgation de l'ordination, ce qui peut être assez ennuyeux quand même. Cette liberté d'élection épiscopale est retrouvée lors du fameux concile de Paris V, présidé par Clotaire II en 614. Le concile est signé par 63 évêques, 12 métropolitains et un abbé. Autant dire un concile considérable. Le concile dispose que les ordinations donc seront désormais décidées par le primat, c'est-à-dire l'évêque provincial, en présence de ses comprovinciaux, sans intervention royale. L'Église, donc, en 614, triomphe. Il faut juste qu'elle part à ses propres excès. Alors, on sent que les pères conciliaires sont aussi assez préoccupés par cet aspect, c'est-à-dire s'assurer que l'Église reste bien aussi dans ses propres limites et qu'elle ne cherche pas à abuser de son pouvoir, notamment le fameux pouvoir d'excommunication. Alors, comment organiser la protection contre les abus? Il faut savoir que la montée en puissance de l'Église rend l'institution de plus en plus attractive. Et de nombreuses personnes se découvrent des vocations, certes tardives, mais irrésistibles, à rejoindre les rangs du clergé. La hiérarchie se méfie à juste titre. Elle tente de contrôler les évêques. La fonction de provincial est revalorisée. Les prêtres conciliaires affirment la séparation entre les comptes de l'évêque et les comptes de l'évêché. En plus, ils imposent à l'évêque justement des dépenses bien précises. Ils doivent consacrer une partie de leurs revenus au rachat d'esclaves, une autre partie à l'aide des pauvres, une troisième partie aux prisonniers et une quatrième partie aux malades et aux veuves. L'évêque ne peut d'ailleurs ne peut pas se choisir de successeur, ni de son vivant, ni après sa mort. Il ne peut pas déposséder les paroisses de leurs biens et doit se contenter du tiers des offrandes sans plus. Les derniers synodes insistent sur le devoir d'exemplarité de l'évêque. Enfin, face aux tentatives de corruption, les canons rappellent les sanctions de ceux qui tentent d'acheter des grâces par le poids de l'argent. C'est ce qu'on appelle en réalité déjà le péché de simonie, mais le mot simonie n'existe pas à l'époque. Et les conciles rappellent aussi que le choix d'un prêtre, d'un diacre ou d'un évêque ne dépend pas des ressources, mais bien des mérites. Donc c'est la mise en place de la méritocratie. Ce qui n'empêche pas qu'on ne peut pas non plus devenir, selon la conception de l'Église, on ne peut pas non plus devenir prêtre uniquement par ses propres mérites. Il faut aussi une grâce de Dieu spécifique pour devenir prêtre. Mais le mérite est déjà un critère de discernement pour savoir si la vocation est authentique ou pas. Mais toutes ces mesures ne suffisent pas. Il faudra donc que les conciles vont fixer une limite d'âge pour devenir diacre, 25 ans, et pour devenir prêtre, 30 ans minimum. Ils vont imposer aussi une période probatoire d'un an, vécue dans la continence, au clerc qui veut devenir diacre. Cette période probatoire s'appelle la période de changement de vie, ou la conversio. Et bientôt, ils vont ajouter à cette période probatoire une obligation de s'instruire correctement. Enfin, les interdictions d'ordination se multiplient. Un homme marié deux fois, l'époux d'une veuve, un pénitent, un esclave, un serf, etc. ne peuvent devenir prêtre, diacre ou évêque. Enfin, quelques conciles rappellent qu'il ne faut pas abuser de l'excommunication. Quand je dis quelques conciles, c'est quelque chose en réalité qu'ils rappellent très fréquemment. Notamment lorsqu'un laïc décide une action en justice contre l'Église pour récupérer des biens qu'il estime avoir été abusivement légués à l'Église, eh bien, il ne peut pas être automatiquement excommunié. Donc voilà, on voit comment l'Église monte clairement en puissance, comment ensuite elle devient à peu près sans rival, et comment les pères conciliaires vont essayer quand même de la contrôler en interne. Mais cette même Église donc ne s'intéresse pas seulement à des questions disciplinaires, des questions d'organisation interne, elle va aussi s'intéresser au rapport avec les minorités religieuses, avec les femmes, et concernant aussi les interdits matrimoniaux. Mais ça, c'est l'objet du prochain podcast que nous allons voir bientôt. Merci d'être fidèle à l'Histoire en podcast. À bientôt.